Que tu suggères l'idée d'une économie parallèle? Et l'autre question, c'est peut-être une remarque. Pour s'organiser, où se coordonner, carnet d'adresse qu'on pourrait rédiger pour PMC, exemple, pour faire combiner compagnie? Bon, le bottin téléphonique pour les PMC, on l'a commencé brièvement. Il faudra à un moment donné que des personnes sortent pour le terminer. En ce qui concerne ce que moi je ne suggère rien. C'est à vous de suggérer et selon les structures internes du PMC, on verra à appliquer. Ou encore, selon les structures internes du centre, on verra à appliquer. Sinon, il suffira que vous créez d'autres structures pour appliquer. Une chose qui est certaine, c'est que il y a quelque chose à faire. Tout est trop proche, hein? Il y a quelque chose à faire. Et ce n'est pas à une personne de le faire. Ça, c'est à comprendre. Il y a des locaux ici qui sont ici 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Très facile, donc, de s'organiser. Tous les groupements qui veulent s'organiser n'ont pas de locaux, n'ont pas de salle, n'ont pas de lieu de rendez-vous, n'ont pas de lieu à serrer les choses. Alors ici, il y a tout, sauf qu'il n'y a pas de groupe qui veulent s'organiser. Alors, je ne suggère pas. Je vous parle de choses intelligentes à appliquer. Selon vos énergies, vous appliquez. Vous commencez chez vous, vous commencez en groupe, vous commencez ici. Chose qui est certaine, c'est qu'il y a énormément de potentiel de puissance qui se perd régulièrement pour rien. Pourrais-tu définir s'il y a une différence, et s'il y a une différence, les deux mots, entre la puissance et le pouvoir? Oui. La puissance donne le pouvoir. Alors, je crois que c'est suffisamment défini. Ça t'embête un peu, mais... Ouais. Donner un coup de pouce à quelqu'un n'est pas nécessairement un compromis ou une perte d'énergie. C'est intelligent de le donner temporairement. Comment aider quelqu'un? C'est une perte d'énergie. Non, aider quelqu'un, ce n'est pas une perte d'énergie. Comme aider quelqu'un peut être une perte d'énergie, ça n'a rien à voir. Mais si vous devez vous transformer pour quelqu'un d'autre, vous ne vous aidez pas. Si vous devez vous transformer pour être plus efficace, vous vous aidez. S'il s'adonne que la transformation vous rend plus efficace et qu'en plus elle aide l'autre, tant mieux. Mais si la transformation vous rend plus efficace et qu'elle n'aide pas un autre, vous devez la faire. Et si une transformation vous ne vous rend pas plus efficace et ne vous rend pas moins efficace, pas de problème, faites ce que vous voulez. Mais à l'instant même où elle vous diminue en efficacité, danger. L'ego peut facilement entrevoir le fait que la transformation ne le diminue pas. Exactement comme le gars qui commence avec un emploi. Et un jour, il trouve qu'il pourrait peut-être en faire deux emplois, ça va l'aider. Ça ne le diminuera pas en efficacité. Au bout de 6 mois, il vit plus, il dort plus, il est toujours rendu malade. L'argent qu'il a ramassé, il a perdu un congé de maladie non rémunéré. Il n'avait pas vu clair. Il y a un danger. C'est à vous, ce n'est pas à moi de vous dire si vous devez aider ou ne pas aider. Mais dans un couple, aider, ça se fait. Parce que la relation humaine est une relation d'aide, d'échange. Mais aider sans que ça rapporte, ça ne se fait pas. Dans l'antique religion, on disait qu'il fallait aider sans que ça nous rapporte. Parce que ceux qui aidaient sans que ça leur rapporte, allaient au ciel. Et là, ça leur rapportait. Donc, ils aidaient pour que ça leur rapporte. Ils aidaient pour être sauvés. On a toujours aidé pour que ça nous rapporte. On donne ou on perd. Il est préférable de donner. donner que de perdre. Perdre, c'est un don inconscient de choses qu'on ne veut pas nécessairement donner. Et donner, c'est un don conscient. Vous venez me voir, vous avez besoin de 50 $. Je sais que je ne peux pas vous les prêter parce que vous ne serez pas en possibilité financière de les rembourser. Dois-je vous les prêter ou non? Non. Je peux par contre vous les donner. Et je peux ne pas vous les donner. Mais je ne dois pas signer de contrat avec vous comme quoi je vous les prête. Parce que là, je vais devoir vous courir après. Vous traiter de voleur. Malgré qu'au fin fond du début, je savais que vous ne pourriez pas me les rembourser. Alors, je les donne. Parce que ça ne me nuit pas. 50 $ ou 500 $ si j'ai quelques milliers à la banque. Ou 500 $ si j'ai un travail stable et que je n'ai pas besoin des 500 $ Dans l'immédiat, je peux vous les donner. Je peux peut-être vous dire je vous les prête. Et dans ma tête me dire je vous les donne. Mais je dois m'arranger pour enligner mes énergies. Vous ne pourrez pas me les rembourser, je le sais. Vous êtes sur le bord de la faillite et c'est pas 500 $ qui va vous sauver. Vous venez me voir en essayant de me convaincre qu'avec les 500 $ vous allez vous en sortir et dans 6 mois vous allez me les rembourser. Si je suis sûr que non, je n'ai pas à vous éduquer. J'ai à dire oui ou non, mais je ne peux pas vous les prêter. Alors là, je peux dire, tiens, je te les donne. La personne ne peut pas les accepter, parfait. Tiens, je te les prête. Tu les remettras quand tu pourras. Mais dans ma tête, il faut que je les ai donnés. Il faut que je les oublie. Parce que là, je n'aurais pas aidé. Ça va faire comme le couple. Il aide l'autre. Jusqu'au jour où il a tellement l'impression que l'autre du doigt, qu'il crie la chicane. Si vous voulez aider un ami, arrangez-vous pour qu'il vous redoive, vous remette ce qu'il vous doit, s'il peut vous le remettre, ou arrangez-vous pour qu'il n'ait pas à vous le remettre, s'il ne peut pas vous le remettre. Et vous conserverez un ami. C'est la même chose dans le couple. Je te fais la cuisine en échange de quelque chose. Si l'autre ne veut rien échanger, si ça te plaît de lui faire à cuisiner, fais-le. Mais donne-lui. Prête-y pas. Aider la personne avec qui l'on vit, ça se fait. À la condition qu'on ne lui nuit pas. Et l'homme fait beaucoup plus de mal en voulant aider qu'il fait de bien. C'est important de bien comprendre le mécanisme. J'expliquais que au Pérou, une nuit, on marchait les yeux presque bandés, les yeux fermés, dans la noirceur totale, aucune lampe de poche, dans un sentier noir. Et à un moment donné, j'ai mis le pied dans un trou. Je n'ai pas touché le fond du trou parce que j'ai eu le temps de réagir suffisamment rapidement pour ne pas me faire mal. J'ai continué. Il y en avait 5 qui me suivaient en arrière, relativement loin. Et je leur ai pas dit qu'il y avait un trou. J'ai écouté en avançant pour voir si l'autre en arrière de moi tomberait dans le trou. Je l'ai entendu tomber dans le trou. Il n'a pas crié. Il n'a rien dit. S'il s'est fait mal, il ne s'était pas fait suffisamment mal pour nécessiter mon intervention. J'ai continué et j'ai écouté. Et celui qui est tombé après moi n'a rien dit lui non plus. Il n'a pas averti le 4e qui suivait qu'il y avait un trou. Et ainsi de suite. On s'est aidé. On s'est aidé comme rarement l'homme arrive à s'aider. Parce que moi, j'ai appris en mettant le pied dans le trou que le trou existait. Et j'ai appris à détecter les trous. Les trous suivants, je ne suis pas tombé dedans. Mais j'ai laissé le privilège à celui qui me suivait de détecter, d'apprendre lui aussi à détecter les trous. Il est tombé dedans, comme moi. Il avait le droit lui aussi de savoir. Le 2e trou, il n'est pas tombé dedans. Le 3e qui suivait est tombé dans le trou. Le 2e trou, il n'est pas tombé dedans. Et tous les 6, par la suite, On était égal. On n'avait pas besoin l'un de l'autre. Je marche dans le bois, je tombe dans un trou. J'avertis en arrière, faites attention, il y a un trou ici. La personne qui suit passe à côté, je l'ai aidé. Non, je l'ai nui. Je l'ai rendu animal. Je le rends dépendant de moi. Je l'assujettis à ma puissance. Je suis le seul qui a le droit d'apprendre parce que je l'interdis aux autres. Alors, toutes les autres trous, je les perçois, mais je dois les avertir parce qu'ils vont tomber dedans. Ils n'ont pas appris à percevoir. La journée où moi je ne sors pas ou quelques autres sortent, les accidents arrivent parce qu'ils ont besoin de moi. Le couple, c'est la même chose. Aider doit être fait d'une façon éducative. Ça ne peut pas être fait d'une façon émotive. Pauvre chou. Non. T'as mal à la tête, tu sais que tu manges comme un cochon, tu manges trop. T'as mal à la tête, démerde. Quand tu feras attention à ce que tu manges, tu auras mal à la tête pareil, moi t'aider. Dans mes enfants, ça arrivait souvent qu'il y en a qui étaient malades. Disons des verrues, par exemple. Problème intestinal. Verrues au niveau des mains. Après avoir bien fait comprendre, je lui guéris ses verrues. Il n'y en a plus. À un moment donné, ça recommence. Non, non, je ne le guéris pas. C'est pourquoi. Change, ils vont partir. Ils changeaient, ça partait. Je l'aimais assez que j'étais prêt à lui donner le privilège de s'en sortir. Et non pas de faire en sorte que moi, je l'en sorte. Dans le couple, dans l'éducation des enfants, c'est le même mécanisme. Il faut être suffisamment dans son énergie intelligente pour arriver à intégrer la différenciation entre l'aide réelle et l'aide émotive. Vous sentez-vous obligé d'aider? N'aidez pas. Faites-vous une erreur, elle est moins grave. Voyez-vous l'intelligence d'aider, aider. L'intelligence veut dire la réaction conséquentielle sur vous et sur l'autre. S'il y a utilité d'aider dans le couple, on aide. S'il y a utilité d'aider l'enfant, on aide. L'enfant joue avec une allumette, il va se brûler les doigts, alors on lui dit, mais non. On lui laisse brûler les doigts, on sort l'extincteur, comme ça s'il brûle la maison, on pourra éteindre. On fait juste préparer le cadre au cas. Mais lui, on le laisse faire, il n'en osera pas. On est prêt à intervenir, mais lui ne le sait pas. Il va apprendre, il va se brûler un doigt. S'il se brûle convenablement, on va le soigner un mois ou deux. Il fera attention la prochaine fois. Et ce n'est pas d'être violent. Ce n'est pas d'être violent, c'est d'être correct. Vous êtes déjà brûlé qu'une allumette? Pas énormément, alors l'enfant non plus pas énormément. Mais on lui interdit toujours d'apprendre, et on interdit toujours à l'autre d'apprendre. La meilleure aide que l'on peut amener à un être humain, c'est de lui permettre d'apprendre, c'est de lui permettre de s'en sortir. Ce n'est pas de le sauver. Habituellement, laissez faire. En observant au cas où, est beaucoup mieux que de s'impliquer immédiatement en donnant l'impression inconsciente à l'ego qu'il est un imbécile. Et en lui, autant les possibilités d'apprendre. Tout au long de la vie, on instruit et on se fait instruire qu'on ne peut pas apprendre. Et c'est pourquoi l'un des axiomes du PMC est que l'homme doit apprendre qu'il peut apprendre. Quand on fait le séminaire, tout le monde est d'accord. Savez-vous c'est quoi? Apprendre que l'on peut apprendre, c'est aussi apprendre que les autres peuvent apprendre. Ça va de soi. Ça va pas de soi. Je savais dans la jungle que les cinq qui me suivaient pouvaient apprendre. Le cadre était dangereux, mais ils étaient prêts. Si l'un tombe dans le trou suffisamment raide qu'il se déboîte ou se brise le genou, ça se soigne. Il aura appris. Personne ne s'est brisé le genou parce qu'ils avaient tous un entraînement PMC5 en montant. Ils étaient prêts. Et maintenant, ils sont encore plus prêts parce que j'ai risqué de leur laisser la possibilité d'apprendre. Ça fait que d'un chef et cinq suiveux naissent six chefs. Je peux me promener seul, ils peuvent se promener seuls, ils peuvent diriger du monde, dans la jungle, dans la vie. D'un chef et six suiveux qui sont partis et revenus, six chefs. Je disais dernièrement que si on aurait perdu l'un des chefs, on serait parti six, on serait revenu cinq, et puis après. Dans la société courante, on fait tout pour sauver les enfants, pour sauver les adultes, pour sauver les êtres humains, pour les conserver en vie. Et on en perd combien? Chaque année, on en perd des milliers. On en perd un peu plus d'un million à l'échelle de la planète. Et on en perd beaucoup plus que ça si on compte tous ceux qui meurent de faim. Sur 100 enfants que l'on protège et qu'on en instruit parce qu'on les aime tout croche, sur 100 enfants auxquels on va interdire la possibilité de risquer leur vie pour apprendre, on les sauve les 100. Et ils vont se tuer eux-mêmes en vivant, parce qu'ils n'auront pas eu le privilège d'apprendre. 10 se tuent au volant de leur automobile, chaud. 7 se font tuer par les autres. 8 dans les accidents de travail. 25 de maladies qu'ils auraient pu éviter. 4 d'accidents de chasse. Et les autres parviennent à l'âge de la vieillesse, apparemment, pour l'homme ancien. Si je prends les 100 enfants, je les mets dans un cadre où ils vont apprendre, je peux peut-être en perdre un. Les 99 autres vont se rendre à leur fin. 99 ou 150 ans. Lequel des deux systèmes est le plus diabolique, le plus dur, le plus inhumain? Celui où dans l'apparence émotive on protège pour leur permettre de se tuer sans se sentir coupable, ou celui où dans la réalité on s'organise pour qu'ils puissent vivre? Il y a bien des choses qui vont changer au niveau des sociétés nouvelles, vous allez voir. Aider, oui. À la condition que dans l'aide, on laisse à l'autre le privilège d'apprendre. Si on lui montre, il ne peut pas apprendre. Il doit vivre. De temps en temps, il pourra apprendre par l'instruction. Vous le dites une fois. C'est pas compris, poussez pas plus loin. Il n'y a pas l'énergie pour comprendre. Laissez-le faire. Aider, oui. Il faut faire attention. Quand une personne veut s'en sortir et qu'elle a besoin souvent d'un coup de pouce, pas de problème. Mais quand une personne ne veut pas s'en sortir, même si elle dit qu'elle veut, si dans l'apparence et dans l'agissement elle ne veut pas, c'est une perte de temps. Et si la personne veut s'en sortir et qu'elle a la difficulté monstre à s'en sortir, il y a intelligence à l'aider. Mais il faudra organiser l'aide de façon à ce que ça fonctionne. Pas l'organiser de façon à lui donner l'impression qu'on l'aide. Il va falloir que ça fonctionne. Quand tu parles de préparer un cadre éducatif intelligent, tu parles-tu de tout temps un cadre d'action de vie? Oui. Il n'a pas le choix. C'est très ésotérique si tu poses une question, alors je ne crois pas que ça ait été compris, mais effectivement, il n'a pas le choix. Si l'amour ne choisit pas, comment exclure le parasite intelligemment? On revient au système micro-sociétaire avec tes deux sortes de parasites. Le parasite naît du fait qu'on laisse aller une chose. Le chien d'un, c'est une herbe extraordinaire. Elle peut guérir, elle peut nourrir. Contrôlons-la, elle servira. Oublions-la, elle empestera. Le pissenlit, extraordinaire. La majorité des choses, formidables. Contrôlons-les, on va s'en servir. Oublions-les, dans un cadre d'évolution comme le nôtre, et on va se faire asservir. Quelle que soit la chose, quel que soit le parasite, au niveau de l'amour intelligent, c'est un amour écologique. Ce qui doit être fait est fait. Ce qui ne doit pas être fait n'est pas fait. Cela veut dire que le parasite ne fait pas partie constituante d'un cadre d'évolution intelligent. Le parasite, on ne l'élimine pas. Le parasite, on l'empêche. Et ça, il faut que ce soit bien compris parce que ça transforme toutes les idées ou toute la lignée d'amélioration de la société planétaire si on la comparait à ce qu'elle pourrait être vue par l'homme ancien. L'homme ancien élimine, mais ne règle pas. L'homme nouveau n'élimine pas, mais règle. Cela veut dire que dans une société où il y a des parasites, nourrissons-les. Essayons de les éduquer, il n'y a rien à faire, nourrissons-les. Ils vont s'en aller d'eux-mêmes un jour, par la mortalité, par quelque raison que ce soit. Mais l'homme n'a pas à intervenir dans la disparition biologique d'un parasite. Ceci peut même s'étendre aux maladies. Mais l'homme ancien a le privilège de tuer un parasite. Comme Adolf Hitler l'a fait, et comme les médecins le font face aux virus et aux bactéries. C'est un privilège typique de l'homme ancien. On a un criminel, on le peint. On électrocute, on l'empoisonne. L'homme ancien peut éliminer les parasites. Mais l'homme nouveau n'a pas le privilège d'éliminer le parasite. C'est son karma. Ou il comprend l'écologie, il l'applique convenablement. Si un parasite naît, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, alors il devra transformer ce parasite, adapter ce parasite, ou oublier le parasite. C'est-à-dire, il devra le nourrir. Jusqu'à temps que le parasite finisse lui-même sa vie. Dans une société nouvelle, on parlait d'OFSA, dans celle-là, il ne faudra pas que naissent de parasites. Cela peut être régi par l'éducation et par l'exemple donné par les adultes, par les autres. Lorsqu'un parasite naît, il est symptomatique d'un problème dans la société. On règle le problème et le parasite, on le nourrit, on l'éduque, on l'instruit, ou on l'oublie. Mais on ne peut pas s'en débarrasser. Ça ne se fait pas. Ce qui fait que l'ego se sent restreint dans un cadre d'évolution où il ne peut plus se débarrasser des problèmes qu'il crée. Et c'est la seule façon d'exclure l'homme ancien d'une société nouvelle au niveau de la gestion. Créer un problème, assume. L'homme ancien a le privilège, vu qu'il ne comprend pas, de se débarrasser, de détruire le problème. On crée un concurrent, on essaie de le tuer. On crée un criminel, on s'en débarrasse en le tuant. On crée une maladie, on tue la maladie. On importe ici des chenilles qui vont bouffer nos épinettes. On tue les chenilles, on tue les épinettes. L'homme nouveau ne peut pas se débarrasser d'un parasite, il devra l'intégrer. il devra le transformer ou il devra s'en occuper. Il devra le nourrir. Il devra accepter que celui-ci vienne têter son énergie s'il ne peut faire autrement. Prenons la société actuelle. Que faisons-nous avec tous les parasites sociaux, que ce soit les alcooliques, que ce soit les clochards, que ce soit la majorité des assistés sociaux, que ce soit une grande partie des chômeurs, que ce soit les voleurs, les criminels, les violeurs, les assassins. Ce sont des parasites. Je parle de clochards. Je parle de celui qui ne sait même pas qu'il est clochard. Je parle de l'alcoolique. Je parle de celui qui ne sait même pas qu'il est alcoolique. L'alcoolique que je parle, c'est le clochard. Je parle pas de la personne qui travaille qui boit trop. Elle a un problème, elle n'est pas nécessairement un parasite. Les assistés sociaux, certains n'ont pas le choix. Et c'est donc intelligent qu'on ait un système qui s'occupe de ceux qui n'ont pas le choix. Ils ne sont pas parasitaires. Parce qu'ils travaillent dans la société. Même s'ils n'ont pas un emploi, par exemple. Mais on en a un bon paquet qui sont parasitaires sur l'aide sociale. Les chômeurs, génial le chômage. On en a un bon paquet qui sont parasitaires. Que faire avec ceux-là? Les éliminer? On ne peut pas. Pas parce qu'humainement, on ne peut pas. Parce qu'on ne réglerait pas le problème. Et ces parasites nous instruisent toujours du danger du problème. Donc, intelligence de les conserver. Mais on essaie de les instruire. On essaie de réparer, à travers ces parasites, le problème. Et tout ce qui ne peut pas être réparable, tant pis. On continue à les nourrir et on oublie. Un jour, ils disparaîtront d'eux-mêmes. L'homme nouveau, la femme nouvelle, n'a pas à tuer et elle ne peut pas tuer. Donc, transformer radicalement une société, c'est infaisable. Parce que c'est infaisable radicalement, l'homme ancien se dit, c'est infaisable tout court. Vous savez qu'il fut un temps où on marchait entre les maisons à pied. Et lorsqu'Henry Ford a inventé l'automobile, il a transformé l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, on peut se rendre juste avec notre automobile jusque chez nous. La maison est conçue pour recevoir l'automobile. Les coins de rue sont conçus pour faire rouler l'automobile et réparer l'automobile. On a des rues, le piéton est maintenant reculé sur un petit trottoir, tandis que le véhicule à quatre roues se promène en mètre partout dans les rues. Les rues sont illuminées, non pas pour les piétons, pour les automobiles. Tout est fait en fonction de l'automobile dans nos sociétés. Avant Henry Ford, non. On avait les carrioles. Mais ce n'était pas pareil. On n'avait pas de garage à carriole, on n'avait pas de station d'essence, on n'allait pas chercher la voie dans tous les coins de rue avec les carrioles. On n'avait pas autant de garages, on n'avait pas de possibilité de liaison d'une ville à l'autre, on n'avait rien. L'automobile, elle a transformé la société de A à Z. On a des autoroutes maintenant, 3 ou 4 voies de large qui parcourent nos villes. C'est un exemple de Montréal. On a des autoroutes encore plus larges que ça, qui parcourent d'autres villes. Tout est fait en fonction de l'automobile. Parce qu'on ne peut pas changer la société radicalement, on s'interdit carrément de la changer, et on laisse souvent aux parasites le rôle de changer la société. Lorsque la société de nos cultivateurs est conçue avec un malade, un blessé et 23 cultivateurs, 22 dont un gestionnaire, ça fonctionne. Tout le monde pense pouvoir améliorer leur sort et changer. Lorsqu'on a 7 parasites, lorsqu'on a 12 parasites, lorsqu'on a 15 parasites, 9 cultivateurs, un gestionnaire, les cultivateurs se disent, on ne peut pas rien changer. Alors, ils ne changent plus. Qui va changer? Les parasites. Les cultivateurs ont encore la puissance et le pouvoir. Ils ont surtout l'intelligence de se servir de l'énergie dense. Dense en pouvoir d'expression matérielle, subtile de par son expression énergétique. Et c'est l'énergie mentale. Ils ont le pouvoir d'être capables de réfléchir dans leur conscience l'intelligence. Donc, ils peuvent changer. Ils peuvent changer la société. Ils peuvent l'améliorer. Comment peut-on savoir d'une façon définitive qu'il est mieux de mettre un terme à une relation? Il y a du fil à retordre. On va faire quelque chose de neuf. On va permettre de vous réveiller un peu. La relation. Comment faire pour savoir si la relation doit être éliminée, doit être terminée? Ça demande des efforts physiques. Ça demande du risque. Et ça demande énormément de choses. Comment la personne a-t-elle fait pour savoir un jour qu'elle devait entreprendre une relation de couple? Qu'est-ce qui lui a dit qu'elle devait entreprendre une relation de couple? L'émotivité ou l'intelligence? Qui pourrait faire qu'aujourd'hui une personne peut se servir? Les mêmes mécanismes pour savoir si elle doit mettre fin à une relation de couple. Ce genre de question est une question dangereuse pour un conférencier. Pourquoi? Parce que si la personne n'intègre pas la réponse, et la responsabilité de tout l'acte qu'elle va poser va en incomber à celui qui aura parlé. C'est donc le genre de conseil qu'on ne demande à personne, sauf s'il est accrédité par la collectivité. Parce que s'il n'est pas accepté par la collectivité peut lui tomber dessus. Lorsqu'une personne regardez bien ceci. Il y a plusieurs réponses. Mais lorsqu'une personne s'entend harmonieusement bien avec l'autre, quel que soit le niveau énergétique, disons le niveau d'évolution de l'autre, la probabilité de compréhension de l'autre, lorsqu'une personne s'entend harmonieusement bien, qu'elle est presque heureuse, mais qu'elle n'a plus rien à apprendre de sa relation, peut-être qu'elle peut voir quelque chose. Mais lorsqu'une personne veut interrompre une relation parce qu'il n'est pas bien, parce que l'autre l'empêche d'évoluer, pour quelque raison que ce soit, il n'a pas fini d'apprendre ce qu'il devait apprendre, alors automatiquement, s'il se demande s'il peut abandonner une relation de couple, parce que présentement, il croit qu'on l'empêche dans son évolution, c'est pas le temps. Égoïquement, ça pourrait être le temps. Spirituellement, ça pourrait être le temps. Intelligemment, ce n'est pas le temps. Ça ne peut pas être le temps. Si vous avez un problème et que vous le réglez complètement, lorsque le problème est disparu, là, c'est le temps de vous poser la question. Lorsque rien ne va, c'est parce que nous ne sommes pas capables de nous adapter, parce que nous avons permis un cadre et parce qu'il y a de gros problèmes que nous n'arrivons pas à contrôler. Nous sommes donc dans une école où on peut apprendre à contrôler. Si on est dans une école où on peut apprendre à contrôler, apprenons, quittons pas l'école. Il n'y a pas d'école qui soit trop dure pour l'homme ou pour la femme. Lorsque l'ego résiste, c'est qu'elle refuse d'apprendre la leçon parce qu'elle se croit suffisamment parfaite. Elle pense sacrer son camp de l'école. Non. Ça devrait répondre. Je vis actuellement des moments très difficiles. Tout semble s'écrouler. Est-ce que cela peut être dû à une mauvaise intégration des énergies? Présentement, tout semble s'écrouler. Il faut bien comprendre que PMC ou pas, 1986 va obliger la majorité d'entre les humains du Québec à changer des choses. Comment l'homme va-t-il faire? Seul? Pour arriver à transformer la société, l'homme n'est pas seul. Tout semble s'effondrer pour la simple raison que l'énergie qui permet à la personne de comprendre des choses est présentement intégrée et assimilée par les corps inférieurs, ce qui fait que la personne n'a plus l'énergie de foncer, de s'accrocher et de cristalliser ce qu'elle voyait. Matériellement, cela peut dégénérer en perte d'emploi, perte monétaire, en maladie physique, en plusieurs choses sur lesquelles je vais revenir vendredi prochain et l'autre vendredi d'après. Une chose qu'il faut bien comprendre, ce n'est pas parce qu'une personne fait le DMC qu'elle va passer par ses stages et par ses mécanismes. Elle va passer à travers qu'elle le fasse, qu'elle ne le fasse pas, sauf qu'elle a plus de possibilités d'arriver à bien passer à travers si elle entreprend un travail réel au niveau de ce que nous avons parlé aujourd'hui et au niveau PMC. Certaines personnes peuvent dire, oui, depuis que je fais le PMC, ça va mal. Depuis que je fais le PMC, depuis combien de mois? 1986 approchait. Parce que tous ceux qui ont commencé le PMC il y a un an, trois quarts, n'ont pas eu ces problèmes et ils les ont eux aussi présentement. Ce n'est pas inhérent au PMC, c'est inhérent à l'évolution de la conscientisation au Québec. Si vous voulez régler ces problèmes pour l'instant, déménagez. Changer de province. Sinon, l'homme, la femme et même l'enfant devra passer à travers une intégration, un processus d'intégration qui entraînera des maladies ésotériques ou des maladies de conscientisation et des pertes d'énergie, amenant celui-ci à une fatigue énorme et à un épuisement, ce qui va entraîner autour de lui dans sa matière énormément de décadence. Sauf s'il est capable de se prendre en main et de s'organiser. La seule méthode pour arriver à traverser convenablement ces mécanismes, c'est l'organisation. Seul, en famille ou en groupe, mais c'est l'organisation. Vu que l'organisation semble être la... l'action qui peut amener la puissance, bon, la probabilité de puissance, pourrais-tu donner un cheminement à établir des mécanismes d'observation, à établir des mécanismes de travail ou de fabrication d'outils? Les mécanismes de travail ou de fabrication d'outils pour arriver à se coordonner, à s'organiser, à se gérer. Les mécanismes de travail sont grandioses. Les mécanismes pour arriver à s'auto-gérer. qu'il y en a plusieurs, étant donné que cela fonctionne par étapes. C'est-à-dire que l'homme doit commencer par un dégrossissage. Suite au dégrossissage, lentement, il va se raffermir sur lui. Il va être capable de voir un peu plus là où il est, dans quel cadre il est placé, et au fur et à mesure de sa prise de conscience de sa désorganisation, il va être capable de la restructurer en organisation. Les mécanismes complets pour permettre aux êtres humains de s'orchestrer en organisation ne peuvent pas être donnés en conférence. C'est un travail qui demande plusieurs heures pour arriver à intégrer d'une façon immédiate et efficace les phénomènes de l'organisation au niveau d'une conscience évolutive. Il est bien évident que si je vous parle de ceci aujourd'hui, ce n'est pas pour vous laisser choir après. Alors, à un moment donné, on s'arrangera pour se rencontrer de façon à pouvoir étudier les mécanismes de l'autogestion. De quelle façon c'est possible? Et on ne fera pas ça à la fin de 86, on va faire ça au début, étant donné que c'est en 86 surtout que la majorité d'entre les humains du Québec vont pouvoir vérifier cela. Il faudra s'arranger pour amener les bases d'une façon compréhensive et applicable pour que chacun puisse réellement, à partir de l'instant même où il va avoir ses bases, arriver à changer sa vie, à changer l'expression d'efficacité au niveau de sa vie. La majorité d'entre les PMC, vous avez les bases, mais elles ne sont pas organisées. C'est-à-dire que vous ne les avez pas organisées. Le rôle du programme maître contrôleur n'est pas nécessairement d'organiser pour vous les bases, étant donné que chaque organisation doit être inhérente aux personnes qui vont les vivre. Ce sont des bases. Des bases pour un travail beaucoup plus fondamental que le travail sur la matière. Mais l'une des bases les plus importantes est ce travail sur la matière. Alors d'ici très peu, vous allez entendre parler de ce moment que l'on pourra prendre ensemble pour organiser l'organisation. C'est-à-dire pour que vous puissiez faire en sorte d'avoir une vie plus facile parce que plus contrôlée par votre mental, c'est-à-dire parce que plus organisée. Alors présentement, ça ne servira à rien. Il y a énormément d'étapes, il y a énormément de structures faciles à comprendre, mais qu'on ne peut pas passer outre pour arriver au résultat. La personne qui dépense sans jamais calculer, la personne qui ne fait pas de budget, la personne qui ne sait pas ce qu'elle achète, la personne qui ne connaît pas ses utilités fondamentales, ses nécessités fondamentales, ses besoins fondamentaux, cette personne, si on lui dit, ben, fais un budget et tout va être solutionné, elle n'arrivera à rien solutionner. Il y a plusieurs choses que cette personne doit apprendre. Alors, c'est la même chose au niveau de l'organisation des énergies. L'homme doit apprendre à organiser les énergies immédiatement à sa portée, les énergies matérielles. Il devra aussi apprendre en même temps à analyser et à orchestrer les énergies humaines. Les énergies humaines qu'il habite, lui, son potentialité humaine, la puissance qu'il a, lui, en tant qu'être vital, psychologique et mental, ainsi que de la puissance ou de l'énergie humaine mise à sa disposition par ceux qui l'entourent. Plus l'homme va travailler en collaboration avec ceux qui l'entourent, plus va disposer d'énergie humaine. Évidemment, chacun en disposera autant que lui. Ce sont des mécanismes qui peuvent permettre de restructurer une famille, de restructurer un commerce, de restructurer carrément sa vie. Au niveau matériel, mais c'est la base sur laquelle votre facilité évolutive va s'appuyer dans les temps qui vont venir. Tu pourrais-tu faire une synthèse sur la puissance individuelle et la puissance donnée ou la puissance du groupe? T'as l'air ce bruit-là, hein? Je sais pas qui s'étonne le plus. En bas, ben non. C'est ça. Sa puissance individuelle comparée à la puissance, disons, familiale, comparée à la puissance d'un groupe, ça fait quoi comme différence? La puissance individuelle, elle va apparaître premièrement dans le fait, dans ces faits-ci. Avez-vous un emploi stable qui vous plaît? Si ça ne vous plaît pas, il y a un manque quelque part. Avez-vous un loyer convenable qui vous plaît ou une maison qui vous plaît? Puissance personnelle. Avez-vous la faculté de transport qui vous plaît, la faculté de déplacement qui vous plaît? On dit souvent que le voyagement, le véhicule, l'automobile représente la liberté. C'est faux. Le véhicule automobile représente le déplacement. Et le déplacement, qu'est-ce qu'il fait? Il fait simplement qu'il vous permet de changer rapidement d'énergie. L'énergie vitale qui vous assomme, l'énergie vitale psychologique qui vous assomme dans un lieu. Vous sortez dehors, vous êtes encore baigné dedans, vous prenez votre automobile et vous sacrez votre camp loin. Ça permet rapidement, donc ça sauve du temps, de changer d'énergie. Ce qui amène une sécurité à l'ego, ce qui lui fait penser que c'est un symbole de liberté. Lorsque l'énergie humaine est suffisamment orchestrée, organisée, et vous l'avez tous ce pouvoir, mais lorsqu'il est suffisamment organisé, sachez bien que si vous organisez chacun vos énergies humaines individuelles, vous allez être capable d'être propriétaire d'une maison qui va vous plaire dans pas grand temps, d'avoir un travail qui va vous plaire, d'avoir le chien que vous allez vouloir avoir ou le chat, d'avoir le moyen de transport que vous voulez, les vacances, tout. Tout. Ce n'est pas du positivisme, c'est de l'intelligence. Ça s'est vérifié souvent. Mais pour que l'ego accepte de le vérifier, on doit le positiver. C'est pas ça qu'il faut faire ici. Parce que si on vous motive, on va pouvoir se servir de votre énergie, mais vous n'arriverez pas, vous, à vous en servir. Vous allez avoir besoin de motivation. Lorsque vous allez être suffisamment orchestré, chacun d'entre vous, pour pouvoir faire ce que je viens de dire, il y a un facteur qui va venir vous empêcher de le faire. Il y a deux facteurs. Le premier, le temps. Quand? Le deuxième, si vous êtes le moindrement avancé dans la conscientisation, l'intelligence va venir vous barrer si ce que vous voulez faire ne doit pas être fait. Ça, c'est pas compris. C'est pas grave. À un moment donné, ceux qui vont vivre ce mécanisme, ceux qui vont mettre tout ce qu'il faut pour que ça marche, et que ça ne marchera pas, ils vont juste découvrir quelque chose, c'est qu'ils ont une fonction sur la planète Terre, et on a décidé qu'eux étaient un potentiel humain utile à ce rôle. Alors, il faudra que d'autres trouvent le rôle, et ça va être encore drôlement plus facile pour eux. Mais ça, encore là, plus loin. En attendant, le temps. Alors, Pierre, ou toi, vous finissez par avoir suffisamment d'énergie chez vous, pour être capable de vous sentir puissant de façon à accomplir ce que vous avez besoin. Mais le temps. Quand? Alliez-vous à quelqu'un, votre femme, votre mari, vous divisez le temps par 3. Là vient la puissance du couple ou de la famille. Est-ce que c'est plus puissant? Non. En groupe, on n'est pas plus puissant dans le sens de ce que l'on peut faire, mais dans le sens du temps que ça va prendre pour être fait. Vous voulez vous partir un commerce? Vous pouvez tous vous partir un commerce. Groupez-vous, puis aidez-vous, vous allez tous partir plus vite. C'est là la nuance. Le groupe s'unit, différentes familles ou différents personnages célibataires créent un groupe. Y a-t-il plus de puissance? Non. Mais dans le temps, oui. Au lieu de prendre 20 ans avant qu'un individu accomplisse ce que j'ai dit, en famille, il va en prendre 6 ou 7 ans. En groupe, il peut en prendre 1 ou 2 ans. La seule chose, c'est que lorsque l'organisation commence chez vous, vous ne devez pas vous reposer dans l'organisation. Cela veut dire que ça commence à fonctionner. On ne se repose pas le temps que ça tombe. Pour recommencer, pour se reposer le temps que ça tombe. Pour recommencer, pour se reposer le temps que ça tombe. On travaille et on est fatigué. Là, il faut se prendre en main, il faut se surveiller. Et si on a une bonne organisation, une bonne gestion rendue ici, même malgré la fatigue, on va être capable de se gérer pour se reposer pendant que ça continue à fonctionner. Et ça, vous allez comprendre ce mécanisme seulement lorsque vous allez commencer à vous organiser chez vous. Parce qu'il est bien évident que si vous voulez que nous vous organisions de façon à ce qu'on arrive quelque part, nous, on va arriver quelque part, avec vous en dessous, mais vous n'arriverez pas nulle part. Vous allez être des bénéficiaires, mais vous ne serez pas des gestionnaires. Et pour que l'homme soit individuel, il ne faut pas qu'il fasse comme dans la société. Il ne faut pas que l'homme décide de mettre son énergie au service d'un coordonnateur sans jamais tenter lui-même de se coordonner. Parce qu'automatiquement, il crée l'esprit collectif de l'homme. On a le gérant qui gère, gérant au gouvernement ou directeur, et on a ceux qui se font gérer, mais qui ne comprennent même plus ce qui se passe, et qui continuent quand même à mettre leurs énergies pour qu'on les organise. Si on veut fonctionner au niveau d'un groupe, c'est extrêmement important que chacun d'entre vous, vous commenciez à vous prendre en main de façon ordonnée. Lorsque chacun s'organise, il sait ce qu'il veut. Et lorsque vous saurez, en gros, ce que vous voulez, est-ce que cela veut dire savoir tout? Du plan supramental aller au plan matériel, de la naissance aller à l'autre bord de la mort? Non. On commence par des facettes de savoir. Vous savez, c'est l'hiver. Vous êtes tout nu dehors, c'est l'hiver. Première chose, protégez votre corps du froid. Alors, si on vous demande, savez-vous ce que vous avez besoin? Et vous dites, oui, il me faudrait un château dans les mers du Sud. Ben là, tu vas mourir gelé dans la neige. Alors, tu vas te dire, présentement, oui, mais peut-être j'aurai jamais de château, fait que ça vaut-tu la peine que je vive? Non, présentement, une chose qui est certaine, c'est que si tu ne vis pas, tu n'auras pas ton château. Est-ce que tu dois poser la question à l'inverse, si j'ai pas de château, ça vaut-tu la peine que je vive? Là, c'est ridicule complètement. Soyons intelligents. Alors, je commence par me dire, il faut que je me fasse un igloo, il faut que je me tue des chats pour faire une peau, il faut que je m'habille. Une fois que je suis habillé, là, la deuxième question, qu'est-ce que j'ai à foutre? Là, je suis au chaud, manger, bâtir une cabane. On y va morceau par morceau en partant d'intelligence. La première chose évidente, c'est que vous êtes vivant, c'est que vous êtes là. Où devez-vous aller, etc. On s'en fout. L'énergie supramentale, on en parle, de façon à essayer d'instruire votre ego pour que celui-ci ne soit pas terrorisé au point de se suicider lorsque dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, vont se passer des choses chez vous qui, si l'ego n'aurait pas été instruit, aurait pu le dommager d'une façon irréversible. Ça aurait pu vous empêcher de comprendre. Le travail PMC, c'est un travail qui se fait dans l'efficacité immédiate. Certains se disent, oui, mais Daniel ne vient pas suffisamment ésotériser la chose. On n'a pas besoin d'ésotériser un conditionnement physique. On n'a pas besoin d'ésotériser une respiration. On n'a pas besoin d'ésotériser un programme médical de premiers soins, d'anatomie. Au PMC 4, on fait un travail qui n'a pas besoin d'être ésotérisé, mais qui est ésotérique. Pareil. On ne fait pas un travail pour flatter l'ego. On ne fait pas de l'ésotérisme histoire de conserver la masse. On veut avoir des personnes avec qui travailler. Lorsque l'homme est suffisamment ordonné pour déterminer le premier point vers lequel il doit s'en aller dans son évolution, la facilité. La facilité, on l'acquiert comment? L'évolution, c'est facile. C'est dur, hein, vous le savez, mais c'est facile. Mais de quelle façon arriver à avoir une évolution facile? Ah, là, le gros problème. Pour avoir une évolution facile, il faut déterminer ce qui la rend difficile. Début d'organisation. faut déterminer les paramètres dans lesquels on veut évoluer. Toujours début d'organisation. Suite à cela, faut déterminer ce qui nous embête le plus, et après, faut déterminer comment le régler. Les solutions, seules, ça peut être compliqué, mais pas toujours. À 2, 3, 4, ça se fait. À 15, ça se fait plus. À 3, 4, on trouve des solutions. À 15, on les organise. Puis à 100, on les applique. 4, partout. Plusieurs groupes. Tout le monde travaille. Ça fonctionne. On a la solution, on la met en groupe. La solution qui n'est pas applicable dans le groupe et qui est applicable dans un micro-groupe, on l'applique. Ceux qui n'ont pas d'emploi, solution, en trouver un. Ceux qui en ont un, ben la solution, c'est pas d'en trouver un. Alors, on a des solutions, on les applique. Mais regardez ceci. Combien parmi les PMC n'ont pas d'emploi? Combien n'ont pas d'emploi et pour qui ce serait intelligent d'en avoir un? Alors, si tous ceux qui ont un emploi essaient juste de trouver de l'emploi aux autres, je regarde dans la presse, je ramasse des petits coupons, je les amène. Je demande à mon patron, t'aurais-tu besoin de telle chose? Non, parfait. Oui, j'ai peut-être quelqu'un. On peut trouver de l'emploi à d'autres. Vous allez dire, oui, mais ça nous fout quoi, ça? Ça nous fout simplement qu'on crée un cadre organisé comme les paysans. Le paysan qui n'a pas besoin des 24 autres, ben, il peut se dire, moi, j'embarque pas. Mais la journée où il aura besoin, ou simplement la journée où pour avoir plus de facilité, il sera intelligent de se grouper tous ceux qu'il aura oubliés. Ce sera des éléments avec lesquels il ne pourra pas compter. C'est pas compliqué. On a un bonhomme génial. Il est architecte. Il n'a pas de travail. Parce que dans son domaine, on n'en veut pas. On le laisse moisir. À un moment donné, il est sous le bien-être. Il disparaît carrément du centre. Et il va vivre ailleurs. Un jour, on a un pouvoir financier et on décide tout le monde de se bâtir des maisons qui nous plaisent. Il faut un architecte, on ne l'a pas. Alors, on va dire, tu sais, le mec, mais le mec est alcoolique présentement. On peut pas aller le chercher, on oublie. La journée qu'on aurait pu trouver un emploi, ou juste s'efforcer d'en trouver un. Mais sachez une chose. Quand 100 personnes décident de trouver un emploi à quelqu'un, l'emploi y arrive. Parce que les 100 coordonnées poussent dans la même direction. C'est pas une projection. C'est une puissance inhérente à l'homme. La seule condition, qu'elle ne soit pas psychologique. Oh, ça fonctionne. Mais on pousse jamais dans le bon sens. Tous dans le même sens, pas nécessairement dans le bon sens. Le bonhomme qui veut se trouver un emploi, qui reste assis sur sa chaise, qui attend qu'on y en trouve un, on y en trouve pas. Pas intéressant. Mais le gars qui veut, s'il donne un papier, il va voir. Il a donné un autre, il va voir. Ce ne sera pas long qu'il va travailler, ce gars-là. Quel que soit le problème, lorsqu'on a une raison intelligente de le régler et qu'on est capable d'accumuler une puissance humaine, une puissance énergétique suffisamment grande, on peut être sûr et certain que ça se règle. Je pourrais donner des milliers d'exemples sur la planète de personnes qui ont réussi à partir de rien à arriver à avoir une puissance. Certains s'en sont servis intelligemment, d'autres l'ont perdu au dépens de leur ego. Ça se fait. Une chose, pour que ça se fasse et que ça dure, c'est d'avoir une raison intelligente de le faire. Première raison intelligente de le faire, c'est savoir pourquoi vous voulez le faire. La réponse au pourquoi vous voulez le faire, c'est pour régler quelque chose qui nuit. Qui nuit à quoi? Pourquoi éliminer cette barrière? Il y a des réponses intelligentes qui ne sont pas égoïques. Ça peut plaire à l'ego, ça n'empêche pas d'être intelligent. Mais ça peut plaire à l'ego, ça peut être complètement stupide. Il y a des paramètres d'intelligence, il y a des façons de savoir si nos agissements sont écologiques ou pas. Il y a des façons. Ces choses-là, on va aussi les voir à un moment donné. On va passer plusieurs heures, ceux qui vont être intéressés, à voir. Comment pallier un manque de communication dans un couple quand une personne n'a pas besoin de parler ou qu'elle se dit pincée ou tranquille? Si cela devient un réel problème et que l'on a essayé de le résoudre et que l'on a toujours l'impression que cela vient toujours de la même personne, on reste ou on part? C'est à partir. À cette question, je ne réponds pas pour la simple raison. Évidemment, ça pourrait être intéressant pour une personne, mais je ne peux pas répondre de toute façon en public. Parce que ceci peut se rattacher à plusieurs personnes, dans l'apparence, sans nécessairement que la réponse s'adresse à plusieurs personnes. La question que j'aimerais poser, c'est par rapport à la puissance, le fait de se grouper, va-t-il créer une... le fait que tu peux donner le même travail ou faire le même travail à plusieurs, diminuer ta possibilité, disons, pas diminuer, mais augmenter ta possibilité d'accumuler la puissance? La puissance, la seule puissance que l'homme peut accumuler véritablement, c'est le temps. Lorsque l'être humain a du temps, il est puissant. Lorsque l'être humain n'a pas le temps, il est impuissant. Le seul phénomène sur lequel l'homme va accumuler de la puissance sera sur le temps. Avez-vous le temps? La majorité d'entre vous, d'ailleurs tout le monde, n'ont pas le temps. Certains vont dire, oui, moi je suis sur le bien-être social, j'ai le temps. Je vais dire, parfait, on s'en va en Afrique, bien-être. Non, mais je peux pas. Pourquoi? Manque d'argent. Ah, mais pour en avoir, il va falloir que tu travailles. Si tu travailles, tu n'auras pas le temps de venir. Tu n'as pas le temps. Sachez que l'argent, c'est aussi du temps. Parce qu'elle permet d'économiser en temps. Je veux m'ouvrir une boutique. Manque d'argent. Je reçois de l'argent, je l'ouvre immédiatement. J'ai le temps. Si elle est mal organisée, je vais perdre le reste de mon temps à rembourser le temps que j'ai eu en avance. Forme d'argent. La puissance, elle est accumulable en forme de temps. C'est le temps qui manque. Et ce temps, on peut le gérer. Parce que ce temps n'existe qu'en fonction de la matière. Posséder de la matière, c'est posséder du temps, à la condition que la matière puisse servir ce que l'on veut faire. Alors, elle est du temps pour nous. Cela ne veut pas dire d'être matérialiste, cela veut dire d'être temporaliste. Rechercher à avoir du temps. C'est faciliter son évolution. On n'a pas le temps de s'occuper des enfants, on n'a pas le temps de s'occuper de son mari ou de sa femme, on n'a pas le temps de se reposer, on n'a pas le temps de prendre des vacances, on n'a pas le temps de s'instruire, on n'a pas le temps de réparer, on n'a pas le temps d'acheter. On n'a pas le temps. Il faut avoir le temps de tout faire ça. J'ai un de mes amis qui me disait un jour, J'ai été en Égypte. La prochaine fois, j'y vais avec mes enfants. Alors, j'ai demandé, oui, mais ça va coûter cher. Si j'ai pas d'argent, je n'ai qu'à être plus riche. Il avait raison. Bonsoir. Et à la prochaine. Pour ceux que c'est au cours, et pour ceux que c'est la prochaine conférence du mois, prochaine. Conférence de vendredi, c'est pour ceux qui sont malades ou fatigués. Pas tout savoir.